Défendre le droit de l'homme, c'est à la fois beau, mais aussi stressant. Beau lorsqu'on s'imagine qu'on est en train de faire du bien pour un être humain. Stressant lorsqu'on a comme l'impression que les choses ne s'améliorent pas, lorsqu'on continue à avoir de nombreuses violations autour de soi, beaucoup d'injustices, de personnes qui sont déçues complètement par le monde. On est affecté, on est stressé, on pense que on est responsable en tant qu'être humain de n'avoir pas beaucoup fait pour que les conditions de personnes sur cette terre s'améliorent. Et je crois que ça, c'est la chose qui affecte beaucoup plus parce que ça touche l'esprit, ça touche l'être humain tout entier. Vous avez l'impression que vous culpabilisez. Mais au même moment, quand vous trouvez qu'il y a, malgré les efforts qui sont faits, plutôt des êtres humains qui sont prêts à faire du mal, qui menacent, qui se sentent très mal parce que d'autres défendent le droit des êtres humains, ça dérange énormément et ça fait exactement qu'on est affecté dans sa croyance et dans son être tout entier et dans ce qu'on est en train de faire.